J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Suite de notre série de cette semaine consacrée au voyage, venons-en à ces intellectuels, ces philosophes qui ont séjourné dans des régimes autoritaires et n'ont pas été décelés pour autant. Quatrième épisode, voyager sans rien voir. Rares sont les penseurs comme André Gide, rentré circonspect de son voyage en Union soviétique en 1936. Les critiques ont fondu sur lui après son récit très désillusionné. C'est qu'il est douloureux d'entendre autre chose que ce que l'on désire ardemment. C'est ce problème souvent qui explique la cécité des voyageurs enthousiastes. Plus tard, dans la Chine de Mao, qui a accueilli des intellectuels français, les choses se répéteront à certains égards. Mais quand même, la déception explique-t-elle tout? Ne doit-on pas creuser davantage pour comprendre ces singuliers voyageurs politiques, parfois à répétition, comme Sartre, plusieurs fois invité en Union soviétique, qui n'envisagent pas un instant d'avoir été les dindons d'une farce très bien organisée? Nous allons évoquer plusieurs figures ce matin, peut-être plusieurs sortes d'aveuglement. Bonjour François Ourmand. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Angers, bon connaisseur de plusieurs philosophes du XXe siècle, et pour cause, vous avez publié en 2000, chez Aubier, un livre saisissant qui s'intitule « Au pays de l'avenir radieux, voyage des intellectuels français en URSS, à Cuba et en Chine populaire ». Plus tard, en 2018, vous avez co-dirigé avec Bruno Brunto, aux éditions du CNRS, les années Mao en France, avant, pendant et après mai 68. Bonjour Jérôme Prieur. Bonjour. Vous êtes cinéaste et écrivain, vous avez écrit un ouvrage sur un jeune lettré français, Louis Gillet, qui appréciait assez ses séjours dans l'Allemagne hitlérienne dans les années 1930 et dont la plume semblait ravir du beau monde dans les milieux intellectuels parisiens. Le titre de votre ouvrage fait écho directement au titre de notre émission d'aujourd'hui, Regarder et ne pas voir, et cela vient juste d'être publié au Seuil. Vous avez beaucoup à dire plus généralement sur la perception des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Enfin, bonjour Cécile Vessier. Bonjour. Alors je vous nomme en troisième, mais c'est justement pour commencer par vous, par votre travail dans cette discussion, car ce travail m'a laissé absolument perplexe. Vous êtes professeur à l'université Rennes 2, spécialiste de l'histoire des intellectuels en Union soviétique, et vous avez publié en 2023 aux presses universitaires de Rennes, Sartre et l'URSS. Mais c'est à ne pas y croire. Vous allez nous raconter. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Cécile Vessier, combien de fois Jean-Paul Sartre est-il allé en Union soviétique? Il est allé 11 fois. 11 fois? 11 fois. Pour des voyages qui allaient de plus d'un mois à quelques heures. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses différences entre 1954 et 1968, avec une coupure qui suit l'écrasement de l'intervention à Budapest. D'accord. Et pas avant 1954? Pas avant 1954, mais en revanche, il a donné son accord pour venir en Union soviétique à la fin de 1952. C'est l'année où il écrit des articles « Les communistes et le monde ». C'est l'année aussi où il se brouille avec, je dirais, tout un tas de gens en France. Et il donne son accord en 1952, c'est-à-dire, d'une part, alors que Staline vit toujours. D'autre part, alors qu'il vient d'y avoir pendant l'été le procès du comité juif antifasciste, où ces gens qui avaient, pour certains d'entre eux, été dans la résistance, ont été fusillés. et où vient d'avoir lieu le procès de Slansky à Prague, oui, où là aussi des dirigeants communistes et des anciens résistants et des juifs ont été fusillés. Donc il sait en théorie ce qui se passe, il donne son accord. Bon, il se trouve que Staline mourra donc en mars 53 et que Sartre ne viendra qu'en mai 54, donc un an plus tard. Donc il pense là, naïvement peut-être, que tout est différent maintenant que Staline est mort. Il avait quand même lu un peu des choses avant, je sais pas, dans les années 30, les grandes purges, il y a quand même eu pas mal d'écrits, même de gens qui avaient été au départ sympathisants, je pense à Victor Serge, bon, il savait pour les années 30, et il s'était dit, ben maintenant c'est fini, Staline est mort. Je pense pas qu'il se soit dit ça, dans le sens où il avait donné son accord en décembre 52, c'est-à-dire qu'il avait une curiosité, il voulait aller voir les choses. Et que, en fait, effectivement, il était parfaitement, il connaissait les purges, il connaissait les arrestations. C'est-à-dire que il y a eu, donc, tous ces textes des années 30, donc, de Souvarine, de Victor Serge, dont vous parlez. Mais il y a eu aussi, en 49, le procès Kravchenko à Paris. Où Kravchenko, qui était un ancien haut fonctionnaire soviétique resté aux États-Unis, racontait les camps, racontait les répressions. On sait que Sartre et Beauvoir ont assisté à certaines séances. D'autre part, en 1950, Sartre publie dans sa revue un texte où il dit « Effectivement, il y a des millions de déportés en Union soviétique qui sont déportés sans jugement. C'est un problème pour le socialisme. Mais au bout du compte, ça ne change pas son idée que il y a un prix à payer pour la révolution et que l'espoir révolutionnaire est en Union soviétique. » Dernière question de contexte avant qu'on entre dans les contenus, et là, c'est impressionnant, on va y venir. Est-ce qu'il ne se dit à aucun moment « j'ai été contacté, ce voyage est organisé, attention, attention, ils vont me montrer ce qu'ils veulent me montrer ». Et d'ailleurs, derrière cette question, j'en ai une autre. Était-il seulement possible d'aller dans les années 50 en Union soviétique sans être pris dans un voyage organisé par le régime? Bon, pour la deuxième, c'est clair, non, ce n'était pas possible. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que grosso modo, jusque la fin des années 80, ça n'était pas possible. Simplement, ça n'était pas forcément le même type d'organisation. Mais en tout cas, dans les années justement 54, ces voyages recommençaient. C'est-à-dire qu'il y avait eu tous ces voyages des années 30, dont celui de Gide que vous évoquiez, qui s'inscrivait dans une politique culturelle, une diplomatie culturelle très spécifique de l'Union soviétique, qui avait été réglée. Il y avait des institutions qui avaient été créées pour ça. Il y avait des personnes qui étaient chargées de l'accueil, de la sélection, de l'organisation. Toute une série d'organisations. Et il y a eu déjà, notamment en France, des très très bons travaux qui ont été faits sur ces voyages des années 30. Et simplement après, vous avez les purges, vous avez la guerre, et vous avez les purges de ce qu'on appelle le second stalinisme. Donc les voyages n'ont grosso modo pas repris avant 54. D'accord. Alors, parlons des voyages des années 30. Oui. Déjà, vous en êtes un grand spécialiste, François Ourmand. Pourquoi les gens partaient? Étaient-ils sélectionnés, pour reprendre l'expression qui vient d'être employée, déjà? Et est-ce qu'ils étaient un peu contrôlés dans leur visite? Alors, je pense qu'on peut, si on se limite aux années 30, on peut distinguer plusieurs phases. D'accord. Il y a la première phase qui suit la révolution bolchevique et qui est marquée par un certain nombre de périples. On évoquait Albert Londres. Qui fait le voyage en 1919 ou 1920 très et qui tôt, publie un récit assez critique vis-à-vis de ce qu'il peut voir. Donc il y a Louise Weiss en 1921 qui, là aussi, des journalistes qui vont sur place au prix d'ailleurs de multiples difficultés. Elle mettra plusieurs mois ou plus pour accéder à la Russie des Soviets. Donc là, il y a vraiment le désir de voir les conséquences de la révolution d'octobre. La nouvelle société qui se met en place. Mais très rapidement, à partir des années 23, 24, 25, je crois que la Vox est créée en 1925. La Vox, c'est un système, c'est une société qui est chargée de gérer les relations culturelles avec les étrangers. Et l'Intouriste, qui est une organisation chargée d'accueillir les voyageurs, donc se met en place dès les années 25 toute une organisation très scrupuleuse des voyages en Union soviétique, à des fins évidemment de propagande, c'est la diplomatie culturelle. Il s'agit en effet d'émonter tout un certain nombre d'intellectuels de renom pour assurer évidemment la diffusion de la réussite. Oui. Et Gilles, par exemple, il est allé dans ce cadre, mais il a déçu évidemment tout le monde. Alors Gilles, en 1936, en effet, il se rend comme beaucoup d'autres. Romain Rolland, je crois que c'est en 1935. Donc on voit bien, ils invitent des personnalités, évidemment, prix Nobel de littérature, etc. Bon, Romain Rolland, qui rencontre Staline, oui, fait l'éloge, évidemment, du régime soviétique. Seul Gilles, en effet, vous l'avez mentionné, sera l'un des... Oui. Plus éminent critique à l'issue de son voyage. Ils sont quand même assez rares, ceux qui font ce chemin-là, oui. Surtout à cette époque. Oui. Alors cette époque, on va quand même dire un mot de ceux qui, à la même époque, là on parle des années 30, avant les voyages de Sartre, les années 30, ce sont aussi des années où certains vont en Allemagne hitlérienne. Juste pour qu'on comprenne le contexte, ils y vont de la même manière, c'est-à-dire... appréhendé par le régime, comme le fait l'Union soviétique à l'égard des intellectuels français, sélectionné, ce mot m'étonne un peu, enfin m'intéresse, et finalement, est-ce que c'est le même processus ou ça n'a rien à voir, l'Allemagne hitlérienne ? Sur l'organisation des voyages, je sais pas, mais en tout cas, c'est très différent dans la mesure où l'URSS est un pays lointain, oui, et donc c'est un modèle idéologique. L'Allemagne n'est pas forcément un modèle idéologique pour ceux qui y vont, c'est le pays des cousins germains. C'est-à-dire que c'est un pays frontalier, c'est un pays dont la Rhénanie a été occupée par la France jusqu'en 1930. C'est plus simple. Il y a la guerre de 14 qui a déchiré comme ça les deux pays, mais en même temps, il y a une volonté de se réconcilier. Il y a la volonté de pas recommencer. Qui est très forte dans le mouvement pacifiste, mais il y a aussi la volonté de se réconcilier, de dire on est frères, on est cousins, etc. Et donc Louis Gillet, écrivain, journaliste, académicien, il y va en 34. Oui. Il y va avant la guerre et avant la guerre de 14, il est lecteur dans l'université. Il est là aussi, ça c'est important. Il y a la question de la langue. Mmh. Il parle allemand, il parle anglais, il parle italien, et donc il a l'autorisation. Il a des outils, quoi. Voilà. Il a dû demander l'autorisation. Voilà. Bon, puis je pense que l'Allemagne nazie au début, elle verrouille moins les visiteurs. Enfin, on voit qu'il y a des gens qui sont critiques. Je sais pas, il y a des textes d'André Beauclair qui sont parus récemment. Il y a une volonté d'ouverture. Les Jeux Olympiques auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure est un moyen pour le régime de drainer des visiteurs et des visiteurs de prestige. Puis ça marche plus ou moins bien d'ailleurs. C'est pas ça, quoi. Et donc, là, Louis Gillet, il y va envoyé par un journal. Il y va en 34, envoyé par un journal, le journal, au moment des plébiscites, au moment de la nuit des longs couteaux, auquel on comprend rien, et tout ça. Bon, on se dit, voilà, un type qui parle allemand, il va réussir à comprendre quelque chose. Bon, c'est difficile. Il voit des luttes de clans, enfin, sans mesurer très bien. Et puis arrivent les Jeux de 36, quoi, qui est une grande opération de communication publique, dont Hitler, d'ailleurs, au début, ne veut pas. Hitler et Goebbels ne veulent, enfin, Hitler, Goebbels, comprend plus vite. Hitler, il est pas sportif du tout. Il conduit pas, enfin bref, il a pas envie, quoi. Et puis il comprend très vite que quand même c'est une occasion. Et puis il phagocyte complètement le comité olympique, puisque au lieu que les Jeux soient organisés par la ville de Berlin, c'est le régime qui organise les Jeux de 36. Oui. Voilà. Et puis donc je découvre... Et là, c'est le grand spectacle. ...que Louis Gillet est envoyé par le journal Gringoire, l'hebdomadaire Gringoire, hebdomadaire de droite, mais qui va devenir à droite de la droite et tout ça, mais qui... est une droite, je ne veux pas dire modérée, mais enfin, c'est pas l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite. C'est antisémite. Il y a la campagne dans le journal contre Salengro, contre Roger Salengro, qui va l'amener à se suicider. Mais en même temps, le journal est très critique sur l'Allemagne. C'est pas un modèle, quoi, l'Allemagne nazie, quoi. C'est pas, voilà. Il y a des articles très, très hostiles à l'Allemand. On va y revenir. Je voulais planter le décor ces voyages. Donc voilà. Il y a une vitrine qui s'appelle les Jeux Olympiques de 36. On envoie quelqu'un qui a une signature. Et on va voir tout à l'heure ce qu'il a raconté et le succès qu'il a eu avec ses récits. Alors, revenons à Sartre, les années 1954. Il part donc invité par l'Union soviétique et à son retour, il donne une très longue interview. Vous nous avez donné l'intégrale de cette l'intégralité. Merci beaucoup, Cécile Vessier. Je ne m'en remets pas. Je vous conseille même de faire un petit bouquin uniquement avec cette interview et une jolie préface. C'est impressionnant. Voici uniquement la fin, la toute fin. Mais en vérité, ce n'est qu'une mise en bouche pour évoquer tout ce qu'il dit au cours de cette interview qui est donnée à Jean Bedel pour le journal Libération. Alors pas le Libé qu'on connaît, qui n'a été créé qu'en 1973, mais le Libération de Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Le 15 juillet 1954, Jean-Paul Sartre. L'ensemble de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, implique que l'on doit s'employer à fortifier et à créer des relations amicales avec l'URSS. Que l'on doit développer les relations culturelles, économiques, les relations humaines en général. En effet, le minimum qu'on puisse déclarer, c'est qu'il s'agit là d'un grand peuple qui, en 30 ans, au prix d'énormes sacrifices, s'est industrialisé, a élaboré une culture et qui continue sa marche vers l'avenir. Vers 1960, avant 1965, si la France continue à stagner, le niveau de vie moyen en URSS sera de 30 à 40% supérieur au nôtre. Il est bien évident qu'avec une société de ce type qui édifie pour elle et pour tous les hommes, le seul rapport raisonnable, est un rapport d'amitié. Quel que soit le chemin que doivent suivre la France pour arriver à sortir de son immobilisme, pour rattraper son retard industriel, pour se constituer comme une nation différente de celle d'aujourd'hui, quel que soit ce chemin, il ne peut être contraire à celui de l'Union soviétique. C'est pour cela que les liens à créer ou à fortifier avec ce grand pays ne peuvent être que ceux de l'amitié. Jean-Paul Sartre, 1954, lu par Riyad Kera de notre équipe d'Avec Philosophie. Cécile Vessier, on est en pleine Trente Glorieuses. La France est dans un développement économique extraordinaire, envié aujourd'hui. Oui. Et Sartre dit que nous sommes en plein retard industriel et que l'URSS sera bientôt près de 40%, un niveau de vie près de 40% supérieur au nôtre. Et par ailleurs, rien sur les libertés dans cette conclusion. Oui. Rien que cela suffit à rendre nécessaire une amitié avec l'URSS. Je vous laisse commenter. En fait, il y a énormément de choses à dire parce que d'un côté, c'est gentil, si vous voulez. Il veut des liens amicaux avec l'Union soviétique. Pourquoi pas? Mais comme vous le faites remarquer très justement, son analyse économique et vous savez, c'était Aron qui disait ça serait bête si ça n'était pas dit par Sartre. C'est-à-dire, c'est un grand n'importe quoi. Et on a d'autres propos. Non, on a d'autres propos. Jérôme Prieur, je ne fais que sourire. Hein. Dans cette interview. Sur la culture soviétique, sur les libertés soviétiques, quand il dit on a tout à fait le droit de critiquer. C'est-à-dire que le Sartre dit des choses qui ne correspondent absolument pas à ce qu'est l'Union soviétique. Mais je dirais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on lui a montré certaines choses, incontestablement. Donc il a eu droit, je dirais, au guide qui lui expliquait. Vous savez, c'était le miracle soviétique, c'est-à-dire qu'à chaque fois le plan était dépassé et en même temps il n'y avait rien dans les magasins. Donc on lui a fait le coup du plan est dépassé et nous allons toujours plus loin. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe encore plus, je dirais, c'est l'arrière de ça. C'est-à-dire que par la suite, on lui a dit, bien plus tard, on lui a dit, mais quand même, c'est très étrange cette interview. Alors d'abord, il y avait eu la polémique avec les Lazareff. Les Lazareff qui étaient allés, donc le Pierre Lazareff, le journaliste. Le patron de François, oui. Figure importante du journalisme français. Absolument. Dont la femme Hélène parlait russe. Voilà. Donc ils y sont allés, eux, pareil, invités. ils y sont allés invités, mais je dirais moins coachés, si on peut dire. C'est-à-dire que, justement, en 54, là par contre, après la mort de Staline, l'Union soviétique décide de développer à nouveau sa diplomatie culturelle. Donc, elle invite, par exemple, la Comédie française à venir jouer pour la première fois en Union soviétique, et des journalistes qui voudraient suivre et qui voudraient pouvoir témoigner. Sartre, c'est un cas à part. Il est pris tout seul, avec un budget absolument phénoménal. Et il cogne sur les Lazarev. Soyons clairs. Et il cogne sur les qui ont fait un livre critique. Tout à fait. Pas mauvais du tout. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce livre donne une assez bonne idée de ce qu'était l'Union soviétique en 54. Mais pourquoi? Parce que, effectivement, Hélène Lazarev parlait le russe, avait des contacts. De la même façon, par la suite, Nathalie Sarraute ira en Union soviétique, si je ne m'abuse, après 56. Et elle parle le russe. Elle est d'une famille russe. Elle a de la famille qui demeure. Donc elle va avoir des informations. Sartre n'a rien de tout ça et je dirais ne veut rien avoir de tout ça. Et Sartre dira, quand les Lazarev répondront à l'attaque qu'il leur adressera, dans l'année 1954, il dira « Oui, mais les Lazarev, là-bas, ils ne sont personne, expression. Ces gens ne sont personne. Ils sont donc livrés à leurs propres moyens et ils n'ont vu personne. » Et lui, il ne se dit pas « Moi, je l'ai vu essentiellement des guides pilotés par le régime. » Absolument. Et en même temps, on voit d'ailleurs quelque chose qui est très frappant, c'est-à-dire ce mépris qu'a Sartre. C'est-à-dire Sartre qui pouvait être si gentil, qui pouvait être si séduisant. Ce mépris, les Lazarev ne sont personne, donc ils n'ont vu personne. Mais je dirais, ça va aller plus loin. C'est-à-dire que par la suite, Sartre va dire, quand on l'interroge sur cette interview, qui a quand même fait scandale à l'époque... Alors on va parler du contenu. Hein. Et avec vous aussi, François Ourmont, parce que je suis sidérée. Oui. Et il a dit, j'ai voulu être poli. Parce que quand on est invité par des gens, on ne dit pas, je le cite, de la merde en rentrant chez soi. Et là, on se dit, c'est quand même le problème de ses voyages. C'est-à-dire que effectivement, il a été bien reçu, il a été entouré. Bon, il a fini à l'hôpital pendant 10 jours, parce que tellement on l'avait fait boire. Donc, il a passé 10 jours. Ah, c'est à cause de ça ? Ah oui, on l'avait tellement fait boire. Bon, en plus, il prenait beaucoup de médicaments, d'amphétamines, etc. Donc, il a quand même terminé 10 jours à l'hôpital. Il n'était pas en bonne forme quand il est rentré, ça c'est certain. Mais il y a son fond, finalement, très bourgeois qui ressort. On ne dit pas, il faut être poli avec les autres, avec ceux qui nous invitent. On ne dit pas n'importe quoi, on ne dit pas de la merde sur les gens qui nous invitent. Voilà, et là, c'est les limites de ce type de voyage. Mais entre, je reprends son expression, ne pas dire de la merde et dire envoyer des pétales de rose, il y a quand même toute une gamme de possibilités. Absolument. Et là, dans cette interview, je voudrais savoir comment vous entendez ça, François Ourmont. Non, ce n'est pas qu'il ne parle pas des manques de liberté politique. C'est qu'il dit, je cite, le citoyen soviétique possède une entière liberté de critique. Il s'agit d'une critique. C'est ça la différence avec chez nous, qui ne porte pas sur des hommes, mais sur des mesures. Par exemple, l'ouvrier soviétique ne dira pas « Le directeur de mon usine est un salaud ». Ça, c'est un truc que les Français diraient. Lui, il dira une parole publique, justement, et non pas privée, alors que franchement, on sait ce que c'est que la parole publique en Union soviétique. Et il y retourne dans l'interview en disant « Voilà, je m'intéresse à la liberté soviétique. Il y a une sorte de liberté qui est soviétique. » François Ourmont, il y en a beaucoup qui ont fait ça ou Sartre pousse le bouchon particulièrement? Ce texte est particulièrement accablant, en effet, pour ce que Sartre dit de la liberté de penser qui est totale en Union soviétique en 1954. Il faut quand même le faire, sans doute. C'est vrai qu'il a rendu compte, pour rebondir sur ce que disait Cécile Vessier, sur ce texte, il en a parlé en 1976, dans Situation 10 de ce texte qu'il avait publié, en disant... j'ai menti, enfin mentir, il relativise ensuite en disant j'ai menti, enfin c'est un bien grand mot de dire que j'ai menti, j'ai écrit un article que d'ailleurs son secrétaire particulier Janco a terminé, c'est même pas lui qui l'aurait fini. En effet, il avance deux raisons, l'invitation, donc on est ici dans un mécanisme quand même qui est essentiel pour comprendre aussi tous ces récits laudateurs des voyageurs, c'est de la logique du don et du contre-don. Quand on est invité avec toutes les logiques distinctives et ségrégatives qui y sont associées, on ne va pas, à son retour, commencer à déverser, évidemment, des médisances sur des hôtes aussi généreux, aussi bienveillants. Et il rajoute quand même, dans Situation 10, 176, en même temps, à cette époque-là, je ne savais plus trop où j'en étais vis-à-vis de l'Union soviétique. Donc bon, mais on voit bien qu'il y a, un problème avec ce texte, au-delà du contenu, en effet, qui relève des contre-vérités, mais il n'a pas été le seul à tenir ce genre de discours, parce que finalement, Philippe Solers, au moment du maoïsme, où il se convertit au maoïsme, il considère que la Chine, c'est un espace de contestation, c'est la révolution dans la révolution, et donc à partir de là, il y a une forme de liberté d'expression qui s'exprime à travers, notamment, comme il l'imagine, à travers la spontanéité, entre guillemets, des gardes rouges pendant la révolution culturelle. Et il sera pas le seul Donc il va très loin, il dit que c'est formidable, dans ce pays, le fainéant est plutôt mal vu, alors que le fainéant est très bien vu en France. Il rencontre des gens, il ne se dit pas un seul instant qu'on les a mis sur sa route. Un étudiant par exemple, qu'il se permet d'interroger. L'étudiant lui dit « Oh, vous savez, nous n'avons aucun souci matériel ici. Nous savons que dans l'URSS, chacun de nous aura la place qu'il aura méritée par son travail. » Et alors là, ce qui est terrible, c'est que nous, on sait maintenant, et vous nous aidez à le comprendre, Cécile Vessier, c'est qu'il était terriblement observé. Il y a eu des rapports sur lui, en particulier celui de Léa Zonina, qui, je crois, avec laquelle il a eu même une relation amoureuse, qui s'occupait de lui là-bas. Et elle fait un rapport où elle dit « Il faut vraiment faire tout pour qu'il ne se rende pas compte, pour qu'il ne se rende pas compte que tout a été organisé. Oui. » Donc c'est vraiment... Mais c'est la honte, quoi, pour lui. Alors, je dirais que c'est encore plus compliqué que ça, parce que Léna Zonina, c'est l'accompagnatrice qu'on lui donne lorsqu'il revient en Union soviétique, donc à partir de 62. Avant, il en avait une autre qui essayait d'établir ce même type de rapport, mais pas de la même façon. Tout étranger qui allait en Union soviétique, s'il avait un certain poids, des rapports étaient écrits sur lui par toutes les personnes qu'il rencontrait, et encore plus celles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire ça, j'en ai parlé. Comment vous l'avez eu, le rapport, vous ? Alors, d'abord, les rapports de Zonina ont été publiés dans Commentaires dès le début des années 90, dans la revue Commentaires en traduction, dans une traduction de Bertrand. Donc on savait, même vous voyez certains téléfilms sur Sartre, on parle de ces rapports. La question c'était, est-ce que Sartre était au courant ou pas ? Certains ont dit qu'il les écrivait avec Zonina, c'est pas impossible. Je dirais, il faut bien comprendre ça, vraiment des ex-soviétiques me l'ont confirmé, pour eux ça n'avait même pas une si grande importance, il fallait écrire un rapport. Et ce qui est intéressant dans celui de Zonina, qui était une femme par ailleurs intelligente, parlant bien le français, spécialiste de littérature française, c'est que, oui, elle fait un rapport sur Sartre et Beauvoir, mais elle essaie aussi d'influencer les dirigeants soviétiques qui vont lire ce rapport. Oui, d'accord. C'est-à-dire que quand elle lit justement... Il y a de la stratégie de tous les côtés. Voilà. Il faut, par exemple, il n'aime pas les réunions officielles, il n'aime pas les visites de Kolkhoz, donc justement, il faut lui donner l'impression, elle utilise bien ce terme, qu'il est le plus libre possible. Oui. C'est aussi... Pour un philosophe de la liberté, c'est magnifique. Non, ça, c'est épouvantable. Ça, je veux dire, il y a une déconnexion totale. Mais en tout cas, Zonina, je pense que Sartre lui avait dit « Moi, j'en ai marre des visites de Kolkhoz et des visites des usines et des réunions où on pose toujours les mêmes questions, etc. » Je veux voir des étudiants, des vrais gens. Je veux voir des jeunes, je veux me promener avec toi, avec sa maîtresse. Et donc, elle renvoyait en disant « Il faut lui donner l'impression qu'il est complètement libre. » Donc, il y a ce jeu dans les deux sens. Bon, et Simone de Beauvoir ? Ou Simone, elle a pas. Elle est là tout le temps. Non, Simone, elle a pas un rôle facile. Elle n'est pas là en 54. Elle ne sera pas là pour tous les voyages. Ce qui est très frappant quand on regarde aussi bien les rapports de tous, les parutions dans la presse soviétique, c'est que Simone de Beauvoir n'a aucune importance. Simone de Beauvoir ne compte pas. Alors il y a une chose qui est capitale aussi. Et là, on retourne un peu aux années 30. C'est que un des arguments pour faire venir des intellectuels français, c'était de dire on va publier vos œuvres. Donc tout le monde a envie d'avoir ses œuvres en traduction. En plus, Union soviétique, pays de la Révolution, je veux dire, c'est magnifique. Bon, Simone, je veux dire, on pouvait rien publier. Il ne voulait rien publier. Ah oui. Pour les soviétiques, elle n'existe pas en tant qu'intellectuelle. Et elle fera une nouvelle après, n'est-ce pas? Et elle fera une nouvelle. Mais elle ne voulait pas la publier. Elle a été publiée de manière posthume, malentendu, je crois. Malentendu à Moscou. À Moscou. Ouais, on voit bien qu'avec des nouveaux noms, en fait, elle parle d'elle et de Sartre, etc. Oui. Elle dit que Sartre a été, au fond, terriblement déçu. Complètement. Mais bon, elle lui sauve la mise un peu quand même. Toujours. En disant que c'est la déception. Oui. Mais bon, elle ne voulait pas publier. On a publié à son insu. Elle voulait publier. Je crois que c'est pas un très grand texte et qu'effectivement elle tenait pas à le publier. Mais je dirais ce qui est intéressant pour revenir à Simone, c'est que elle accompagne Sartre, elle sert de couverture, c'est-à-dire que pourquoi, bon, Sartre n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit la vérité aussi parce que il y avait, je dirais, pour lui c'était le pays de la Révolution et ça justifiait tout contre les États-Unis, parce qu'il avait cette grande histoire d'amour avec cette femme captivante qui était Zonina, et Simone de Beauvoir venait pour couvrir l'histoire d'amour. Donc elle avait un rôle épouvantable dans cette histoire. Et Simone de Beauvoir, a priori, n'aimait pas l'Union soviétique. On le voit même dans ses mémoires. Elle dit, je veux dire, tout manque, tout est interdit, etc. Bon, nous parlons ce matin de ces philosophes qui sont allés dans des régimes autoritaires, voire pires, et qui n'ont rien vu, ou s'ils ont vu, n'ont rien raconté. Jean-Paul Sartre, nous allons aussi parler de la Chine de Mao et des voyages d'intellectuels français. Nous parlerons aussi de certains voyages en Allemagne hitlérienne. Je suis en compagnie de Cécile Vessier, Jérôme Prieur et François Ourmand. Passons aux prochinois français. Alors, il y a un personnage très important qui, justement, avait vraiment tout dit sur la Chine. Et assez tôt, parce que 1971, ce n'est pas rien. Oui. C'est Simon Leys, dans un livre important. Et il faut savoir que, par exemple, le voyage organisé avec le groupe de la revue Telle Quelle, de Philippe Soler, c'est 1974. Donc, on savait déjà quand même beaucoup de choses sur la Chine. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'une émission de télévisée qui a fait date, apostrophe, sur Antenne 2 à l'époque, le 27 mai 1983. C'est très, très tard. Et la personne qui avait organisé le voyage de Telle Quelle, Maria Antonietta Macchiocci, continue de dire beaucoup de bonnes choses sur la Chine, et ça rend fou Simon Leys. Un beau moment de télé, écoutez. Je pense que les idiots disent des idioties, c'est comme les pommiers produisent des pommes, c'est dans la nature, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. Et là, évidemment, se trouve le problème qui mériterait d'être analysé. Prenons le cas de Mme Macchiocci, par exemple. Je n'ai rien contre Mme Macchiocci personnellement, je n'ai jamais eu le plaisir de faire sa connaissance. Quand je parle de Mme Macchiocci, je parle d'une certaine idée de la Chine. Je parle de son œuvre, pas de sa personne. Son ouvrage de la Chine, c'est ce qu'on peut dire de plus charitable, c'est que c'est d'une stupidité totale. Parce que si on ne l'accusait pas d'être stupide, il faudrait dire que c'est une escroquerie. De la Chine repose essentiellement sur deux hypothèses fondamentales, qui sont présentées non pas comme des hypothèses, mais comme des données de fait. L'une, et je cite de mémoire, c'est dans le texte, c'est que le peuple chinois, le peuple de Mao, est une humanité sans péché, qui l'a sauvé du péché, qui l'a délivré de la condition humaine qui est notre lot commun, on ne sait pas trop, c'est Mao, semble-t-il. Du fait que c'est une humanité sans péché, découle tout normalement des faits, comme Mme Macchiocci constate avec émerveillement, qu'en Chine, les ouvriers refusent des augmentations de salaire et estiment que des organisations syndicales sont superflues. Les paysans pratiquent la philosophie et la pensée de Mao fait pousser les cacahuètes. Mais je n'écris pas ça, monsieur. Vous l'écrivez, madame. Qu'elle ne fait pas pousser. Vous me donnez la page, alors, tout de suite. Parce que, non, vous devez être sérieux, là. Vous devez dire ça, dans la page. Vous expliquez comment la dialectique augmente la production dans les campagnes. Parce que l'escroquerie ne sera pas de mon côté à ce moment-là, parce que je n'ai jamais écrit ça. Vous écrivez que la dialectique maoïste augmente la production agricole. Mais la dialectique, vous parlez d'autre chose. Mais je vous défie Madame Macchiocci, vous avez parlé beaucoup ce soir. La page et la ligne... Attendez, je pourrais lui répondre. Non, alors, mais je ne peux pas, c'était des bêtises. L'autre point, excusez-moi. L'autre point plus fondamental encore, c'est évidemment ce mythe que le maoïsme, c'est au fond, c'est la rupture avec le stalinisme. Voilà, ça, le maoïsme. Bon, Ça va à l'encontre de toute l'évidence historique connue de tout le monde. Si vous donniez la peine simplement de lire les œuvres de Mao, vous y trouveriez déjà le démenti. Je lis simplement des petits passages, un petit passage dans les œuvres de Mao que vous auriez peut-être pu lire, celui-ci date de 1958. Ce n'est qu'en suivant la voie indiquée par Staline, en acceptant l'aide de Staline, que l'humanité pourra enfin se libérer du malheur. Staline est l'ami fidèle et sûr de la libération du peuple chinois, etc., etc. Simon Leys, auteur des habits neufs du président Mao en 1971, et qu'on entend là foudrage, qu'on puisse encore tresser des lauriers à Mao, et tout au long des années 70 et encore au début des années 80, était-il inaudible en France, dans les années 70 par exemple, François Hourmand? Alors, ce moment, c'est un moment évidemment savoureux, un moment d'anthologie de la télévision française. Au-delà de la joute verbale, bien évidemment, ça renvoie au drame, à la tragédie de la révolution culturelle. C'est quand même entre 3 et 4 millions, selon les sinologues, de victimes, cette révolution culturelle, sans compter évidemment les personnes qui ont été handicapées, mutilées, et puis toutes les séquelles de tous les étudiants qui ont été déportés à la campagne, dans des camps de travail, etc. Mais bon, en fait, c'est extrêmement révélateur parce que Marie-Antonietta Maciocchi publie en 71 un De la Chine, un récit de voyage totalement édifiant et lénifiant, plus de 500 pages, qui est un vrai succès de librairie, à 40 000 exemplaires vendus en quelques mois, 50 000 pour l'édition de poche, donc ce sont quand même des... On voit qu'il y a une appétence pour tout ce qui vient de Chine, notamment parce qu'il faut dire quand Maciocchi fait son voyage en 70, donc la révolution culturelle, la première phase de la révolution culturelle est terminée, donc la Chine s'en trouve, mais simplement à une minorité de voyageurs qui sont bien installé auprès des ambassades, de l'ambassade chinoise à Paris. Et donc elle publie cet ouvrage qui devient le bréviaire pour tous les intellectuels maoïsants, maophiles. Philippe Solers encense l'ouvrage dans Le Monde, le travail de Maciocchi devant lui toute l'histoire. Et quand d'ailleurs Solers, à la tête de la revue telle qu'elle, se convertit au maoïsme en 71, il crée un mouvement qu'il appelle le mouvement de juin 71, par référence à la célébration des anniversaires révolutionnaires, puisque c'est en mai 71 que Maciocchi a sorti son livre. Dire l'admiration qu'il voue à cet ouvrage, qu'il a d'ailleurs contribué à faire publier aux éditions du Seuil, c'est Althusser qui lui l'aurait transmis, etc. Et au même moment, donc le livre est encensé, notamment dans Le Monde, par Alain Bouc, qui sera l'une des figures du maoïsme journalistique, notamment au Monde, et puis dans le monde diplomatique. Bon, je ne vais pas revenir sur les enjeux. Parlez-moi plutôt du voyage, parce qu'on est dans une série sur le voyage. Oui, je veux savoir ce qui s'est passé pendant ce voyage qui y était. Il y avait Roland Barthes. Ah oui, sur le voyage de Solers. De 1974, de Solers. Christeva était avec lui. Bien sûr. Il y avait un certain nombre de personnes. Et on dit, d'ailleurs, Julia Christeva l'a raconté dans Les Samouraïs, ce roman où les noms des personnages sont changés, mais il y a un certain Armand Bréal qui est en fait Roland Barthes, que lui était, semble-t-il, le seul à avoir tellement de réserve, voire de dégoût. Il s'endormait dans le bus, il n'avait pas tellement envie d'aller visiter, il n'était pas bien. Mais on a beaucoup parlé de ça, peut-être pour sauver l'honneur, c'est-à-dire que Barthes est le seul qui, par sa réserve, a un peu sauvé l'honneur. Non, parce qu'en fait, Barthes, il faut un voyage de 3 semaines, du 11 avril au 5 mai à peu près, et bien sûr, ils font le périple habituel des visiteurs de marque. On leur montre les crèches, les communes populaires, celles de Dajai et d'autres, qui sont les vitrines de la réussite maoïste. Donc rien de neuf sous le soleil de ce point de vue. Mais alors Philippe Solers, Barthes le raconte dans son journal de voyage qui sera publié d'ailleurs qu'en 2009, bien après son décès, après sa disparition. Et le journal est extrêmement intéressant parce qu'on découvre un Barthes totalement ennuyé par ce qu'il voit, qui ne goûte finalement que les mets qu'on lui présente, et les calligraphies de Mao qu'il a l'air d'apprécier particulièrement. Mais tout le reste l'indiffère, et même Philippe Solers l'insupporte, parce que Philippe Solers lui apparaît comme une forme d'histrionisme. Il passe son temps à chanter des chants révolutionnaires, et notamment l'international, dans les minibus qui les amène ici et là. Il se met à conduire des tracteurs tout juste sortis de l'usine L'Étoile Rouge, ou que sais-je, qui fabrique des tracteurs. Bref, bref, Soler s'est complètement pris par le voyage et Barthes, lui, il est en porte-à-faux complètement avec ce... Avec Barthes, c'est un peu comme l'André Gide de 1936 en URSS. Non, pas tout à fait, non. Parce qu'en fait, quand il rentre de voyage, le 24 mai, il me semble que c'est le 24 mai 1974, Barthes publie un article dans Le Monde qui s'intitule « Alors la Chine ». Et en fait, il ne dit pas de mal du tout de la Chine dans ce texte. Le seul qui va dire un peu du mal, c'est François Valle, qui faisait partie du voyage, qui est l'éditeur de Barthes, et qui émet un certain nombre de nuances par rapport à ce qu'il a pu voir. Barthes, en fait, il fait une description de la Chine, où le thé est fade, enfin, il décrit les calligraphies de Mao, mais il n'aborde pas du tout le côté politique. Et en fait, il défend, bon, évidemment, le voyage qu'il a pu faire, et les tels quels mais il défend surtout, aux yeux de certains de ses biographes, il défend surtout Kristeva. Plus que Soler, c'est d'ailleurs Kristeva qu'il soutient à travers son texte. Et ce qui est... Parce qu'elle s'est engagée singulièrement, elle. Parce qu'il il a une proximité, évidemment, affective. Elle a écrit les Chinoises, mais elle s'est d'ailleurs engueulée avec le MLF à l'occasion. Oui. Elle le raconte aussi dans son roman. Mais il y a une proximité intellectuelle théorique entre Kristeva et Barthes, sur la question du langage. Tous leurs travaux, évidemment, sur ces thématiques-là, les ont rapprochés. Il y a cette proximité, peut-être une admiration de Barthes pour Kristeva aussi. Enfin bref. Donc en fait, il défend davantage Kristeva que Soler, c'est la Chine. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Et en fait, quand on lit son journal posthume, on se rend bien compte qu'il n'est pas dupe, il passe son temps à fustiger la phraséologie des interprètes qui partent. Barthes passe son temps à dire qu'il déverse des briques, et des briques, c'est ces éléments de langage stéréotypés. Il dit ce chinois est complètement briqué, enfin ça revient de façon totalement obsessionnelle dans son livre. Donc il n'est pas dupe de toute la langue de bois auquel ils sont confrontés. Et donc en fait, il ne retrouve pas l'expérience qu'il a pu vivre au Japon dans son voyage en Chine, et tout cela l'ennuie. En effet, il lit Bouvard et Pécuchet dans le train, il sent qu'il est complètement coupé de la population, et en même temps, il met en évidence les artifices. À un moment, ils sont reçus, évidemment, avec tous les égards. Lorsqu'ils se déplacent, il y a une foule de visiteurs de Chinois qui les acclament. Et il a cette remarque, Pompidou à Aurillac. En fait, ils sont reçus comme un président de la République, avec la même ferveur, la même liesse de la part de Chinois, qui sans doute n'ont jamais entendu parler de tel quel. Hein. Mais en tout cas, je me souviens que dans la revue Tel quel, il y avait une affiche qui montrait à l'université Tsinghua, bienvenue aux intellectuels de la revue Tel quel. Comme si, Alors là, ce qui est vraiment intéressant dans votre récit, c'est l'effet de groupe. C'est les intellectuels, vous venez de le dire. Et c'est difficile de prendre ne serait-ce qu'une légère distance individuelle, ce qu'a fait Barthes quand même, mais vous dites en même temps qu'il voulait pas trahir complètement ses amis. Et dans Sartre, c'est sûr qu'il y avait aussi des gens qu'il ne voulait pas décevoir. Enfin, il y a un effet de groupe. Et donc je voudrais qu'on pose cette question des meutes, en fait, parce que les philosophes ne sont pas à l'abri des effets de meute, pas plus que d'autres. Et là, nous allons évoquer une certaine ambiance dans les milieux éditoriaux, littéraires, des années 1930. Et donc, ce Louis Gillet, qui vous a beaucoup intéressé, Jérôme Prieur, et qui va notamment assister aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936, sur lequel vous avez réalisé un film et publié également. Là, vous publiez plus spécifiquement sur ce Louis Gillet. Au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le connaît pas tous, ce Louis Gillet, même on ne le connaît pas. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le milieu intellectuel parisien qui a envie de s'intéresser à cette Allemagne qui vaut mieux que ce méchant Hitler, qui peut-être d'ailleurs n'est pas aussi méchant que ce qu'on raconte. On a l'impression d'une espèce d'atmosphère de cet ordre. On écoute un extrait de votre documentaire, Jérôme Prieur, où vous faites parler Louis Gillet, Les Jeux d'Hitler, Berlin 1936. Le moment inouï, ce fut pour Louis Gillet le passage de l'équipe française, un alignement irréprochable, de la crânerie, point de jactance, mais le sentiment juste que l'on passait un examen devant des connaisseurs. Un petit pas de cérémonie, avec un rien de piaffant, de balancé, de rassé. Ah, les braves petits! Ils faisaient le salut du bras tendu, le beau salut olympique qui ressemble au salut de l'épée. Ce geste déclenche les applaudissements de la foule qui prend ce salut pour le salut hitlérien et l'interprète comme un hommage chevaleresque adressé au Troisième Reich et à son chef. Donc, Louis Gillet suggère qu'on a un peu surinterprété le geste de la main des athlètes français. Il nous prend pour des idiots ou quoi ? Enfin, je veux dire, faire ce geste-là, ça ne voulait vraiment rien dire. Ce n'était pas une façon de dire, tiens, comme Sartre en Union soviétique, on va quand même être sympathique avec la puissance invitante. Je ne crois pas que Louis Gillet nous prenne pour des idiots. Je pense que c'est l'équipe de France qui nous a pris, a pris la France pour des idiots, quoi, en jouant sur la ressemblance, l'homonymie comme ça du voilà. Et non, ce que je trouve très intéressant par rapport à ces années 70, moi ça me rappelle mes années, les années de mes 20 ans, oui. Et pour moi les années 70, c'est un peu les horribles années 70 parce que il y avait une doxa, une vertu, un poids comme ça de la morale, il fallait adhérer, quoi. C'est-à-dire que ne pas aimer Machoki que j'ai lu, ne pas adhérer au film de Yoris Evans et de Marceline Loridan comme en Yukong, c'était un peu suspect. Et donc, moi qui lisais beaucoup Barthes à l'époque, j'ai été déçu par son attitude, mais je la comprends aujourd'hui, cette espèce de manière de dire, bon, je veux pas trop y toucher, bon, je suis pas dupe, mais je veux pas être trop y toucher. Moi, je me reconnaissais beaucoup plus à l'époque dans quelqu'un qui est mort il y a quelques années, qui dans la revue d'esthétique signait ses articles sous l'emblème de du groupe idéologique Zygépus, quoi. C'était une manière de répondre comme ça à tel quel au cahier du cinéma, etc., etc. Mais je reviens aux années, je reviens aux années 30. Est-ce que c'est lié, ce que vous venez de dire, à votre intérêt pour vous le déplacer un peu dans le temps, oui, ces intellos, parce que le Louis Gillet, il est académicien. Il est académicien, il n'est pas philosophe, mais il est écrivain. Quand il arrive à Berlin. Oui. Et il est pas très... Il s'est un peu, il ménage la chèvre et le chou. Absolument. Et ça vous intéresse peut-être aussi, oui, parce que vous étiez dans les années 70 un peu gêné par des gens qui ont trop ménagé. J'avais pas fait le lien, mais bien sûr, en tout cas... comment dire, il a pas le surmoi politique qu'ont eu un certain nombre de visiteurs de l'URSS, de Cuba, de la Chine. Il y va en Allemagne, j'ai dit parce qu'il était germanophile, germaniste, et il aimerait bien y croire, quoi. C'est-à-dire, c'est un homme, hein, ne nous cachons pas, c'est un homme réactionnaire, c'est un homme très conservateur, et là, en 36, il y va, le Front Populaire vient d'arriver au pouvoir. Il parle de la France des campings, de la France de Jeannot Lapin. Enfin, il trouve que c'est un peu le bordel, quoi, pour dire les choses en France. Et que bon. Et donc, il est fasciné par la prospérité qu'il sent, qui en règne Allemagne. En Allemagne, par l'ordre qui règne en Allemagne. Mmh. Et en même temps, il veut y croire. C'est-à-dire qu'il est pas complètement dupe. Et c'est ça qui est intéressant. Il est dans cette ambiguïté, toujours. Il ménage la chèvre et le chou, mais du même coup, il fait entendre le point de vue de la chèvre et le point de vue du chou. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que, après avoir fait ce film, puis ce livre sur les jeux de 36, parce que faut creuser les sillons, je me suis intéressé à Louis Gillet, qui est, effectivement, c'est quelqu'un que je connaissais de nom. Il a traduit beaucoup d'écrivains. Il a traduit Edith Wharton, il a traduit Catherine Mansfield, il a traduit Kipling. Il a écrit beaucoup de critiques d'art. Il était le critique de la Revue des Deux Mondes. Donc forcément, si on s'intéresse à ces années, on le croise. Il a écrit sur Joyce, etc. Mais je le connaissais pas. Ce qui m'intéressait pas en lui, c'était, je voulais pas qu'il fasse écran. Ce qui m'intéresse, c'est un témoin. Un témoin de ces années. Et puis un témoin, excusez-moi, mais qui ne se prend pas pour la moitié d'un écrivaillon. Non. En 1937, il publie son livre sur l'Allemagne, comme ça, un petit clin d'œil à Victor Hugo, rien que ça, les rayons et les ondes de Victor Hugo. Lui, il écrit « Rayons et ombres d'Allemagne ». Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il écrit là-dedans, je lis ? Il écrit... Je ne suis point l'ennemi de l'Allemagne, ça on peut peut-être l'entendre, il y a les Allemands, une civilisation, un pays, mais il dit qu'aujourd'hui l'Allemagne, en son temps, est victime seulement de quelques excès d'orgueil, c'est sous Hitler, et d'un goût de la puissance et de l'organisation qu'il abuse quelquefois sur les frontières du mirage et les limites du possible. Pathétique inquiétude, autrement dit, bon, on est un peu inquiet, mais enfin... C'est pas si grave. Mais si on y prend garde, et peu de commentateurs à l'époque, parce que le livre a été très salué jusqu'au Parti communiste qui a fait de Louis Gillet un allié, quoi. Enfin, Louis Gillet est à la une de l'Humanité parce que il a contre lui Gringoire. Tout d'un coup, il y a un renversement d'alliance. À droite. Il est passé. C'est un compagnon de route, quoi. Louis Gillet sera jamais communiste ou crypto-communiste. Mais très peu ont fait attention au fait que ce livre, qui est introuvable aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup lu, s'appelle, vous venez de le dire à l'instant, Rayons et ombres d'Allemagne. Ouais. Ça veut dire quand même deux choses. Oui. Ça veut dire qu'il y a des ombres en Allemagne, dans l'Allemagne hitlérienne, mais ça veut dire qu'il y a des rayons. Et donc, les rayons, ils peuvent être aveuglants, mais ils rayonnent, ils brillent. Et il y a ça, comme ça. C'est ça qui m'a intéressé, parce que j'ai toujours l'impression que, sur cette époque, et sur l'Allemagne de cette époque, on a un point de vue forcément anachronique. On sait comment ça va se terminer, et donc la Shoah fait que c'est impossible de regarder sereinement, si j'ose dire, ce pays. Et là, avec Louis Gillet, faut faire très attention aux dates. On est en 36, oui, faut pas non plus 36, faire l'anachronisme. 37. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir sa fascination, son envie d'y croire. En même temps, il n'est pas dupe, c'est pas un idiot, quoi. Et il n'est pas dupe. Et puis, il y a tout à coup dans ce livre, qui est un livre de presque 300 pages, très dense, où il a vu beaucoup de gens, lui, il a parlé aux gens, il cite ses sources, il donne pas tous les noms de ceux qu'il rencontre, mais il y a quand même, tout à coup, il y a une quinzaine de pages de quelqu'un qui pourrait passer pour un admirateur du régime, une quinzaine de pages où il dit il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est le sort fait aux Juifs. Là, en tant que le sort fait aux Juifs, quoi. C'est pas possible. Et donc, on se dit, mais comment se fait-il que cet homme ne mette pas en phase les différentes informations qu'il a? Par exemple, il voit très bien que c'est un pays qui se militarise énormément, que les sports sont une façon de déguiser l'entraînement sportif, physique de la jeunesse allemande. Il le voit très bien. Mais en même temps, il aimerait bien que ça marche. Il aimerait bien que l'Allemagne nazie soit une solution de recours à la dégradation de la démocratie dans les pays d'Europe occidentale. Malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. Mais j'aurais une toute petite réaction générale au problème du regard. Parce que quand même, on est dans une émission de philo. Qu'est-ce qui se passe là, dans ces regards aveugle ou aveuglé. Moi, il me semble qu'une chose qui ressort de notre conversation, c'est les stratégies. C'est-à-dire qu'à un moment, Sartre, c'est Sartre, quoi. Il peut pas rentrer avec tous les gens qui lui font confiance et taper sur l'Union soviétique. Ce qui se passe à tel quel dans les années 70, lorsqu'ils vont voir la Chine de Mao, il y a un effet de groupe et de stratégie dans le champ intellectuel qu'on trouve déjà chez Louis Gillet. Imaginez, même les communistes sont contents de ce texte de la droite conservatrice. Il y a des effets de stratégie qui empêchent le regard. Qu'en pensez-vous, François Ourmand? Et ce seront deux courtes interventions. Sur la question de Soler, c'est de tel quel. Je crois que vous avez raison sur une chose, sur ce point, c'est-à-dire que on voit bien que la trajectoire de tel quel, qui va de l'apolitisme à la conversion au Parti communiste en 68, puis au maoïsme en 71, cette trajectoire, elle épouse aussi quand même un certain nombre de thématiques dominantes dans le champ intellectuel. Et la conversion de Solers en 71 et le voyage de 74, qui est en quelque sorte le point d'orgue de ce que Grémion a pu appeler le maoïsme mondain, c'est vraiment ça. On est passé de l'adhésion dogmatique aux sympathies utopiques. Ça permet à Solers, bien évidemment, de conforter sa position dans le champ intellectuel, en nouant encore une fois radicalité politique, radicalité esthétique, c'est le champ des avant-gardes, tel quel c'est une revue d'avant-garde, et là, il réussit à finalement toujours capitaliser sur ce label d'avant-garde en articulant les deux, ici en se convertissant au maoïsme. Et après, je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui ne concerne pas nécessairement Solers que lui, mais il y a aussi chez beaucoup d'intellectuels le désir de croire et une forme de suspension volontaire de l'incrédulité. En fait, il y a un moment, ils ont envie de... En fait, il y a une forme de sacrifice de l'intellect qui s'opère, hein, pourrait-on dire, lorsqu'ils voyagent dans ces pays de l'avenir radieux. Cécile Vessier, je vous laisse le dernier mot. Je suis navrée, il faut que vous soyez un peu courte, mais je suis sûre non, que... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais juste une chose, parce que je pense que ça décrédibilise aussi toute une partie de la vie intellectuelle française du XXe siècle. C'est qu'à un moment, ce que ces intellectuels n'ont pas regardé, c'est pas simplement le pays, ce sont les millions de victimes dont vous parliez en Chine. Bon, alors, et vous avez raison, en Allemagne nazie, ça n'était pas encore le cas, donc il y a ce décalage. En Union soviétique, Sartre savait qu'il y avait eu des millions de victimes, il pouvait savoir que ça continuait, et finalement, il le dit lui-même explicitement, si c'est le prix à payer pour la révolution, ça vaut la peine. Et là, ce qu'on remet en cause, c'est une forme d'humanisme qui a finalement été foulée aux pieds par de très nombreux intellectuels français au XXe siècle. Merci beaucoup Cécile Vessier, François Ourmand, Jérôme Prieur, vous nous avez appris beaucoup de choses. C'est un peu affligeant, mais ça fait du bien ces éléments concrets et précis sur le comportement de beaucoup de philosophes et intellectuels dans des régimes, en voyage, dans des régimes autoritaires. Je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms à présent. Il nous parle de différence et d'indifférence cette semaine. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi ne doit-on pas être indifférent ? Ce qu'on entend par indifférence en français, ce n'est pas exactement l'indifférenciation. L'indifférenciation, ce serait un problème, disons, théorique ou métaphysique ou scientifique aussi, de physique par exemple, où aucune différence n'émergerait dans un chaos où tout se vaudrait, où il n'y aurait pas de singularité émergente, mais où on ne pourrait pas donc avoir de critères pour distinguer même des petites différences. Comme le dit Leibniz, par exemple, dans la vague, dans la mer, il y a myriades de petites différences, de petites gouttes que seul Dieu pourrait discerner. Et nous, nous les y noyons. Et d'une certaine façon, la vague est indifférenciée, même si nous pouvons encore, nous, à notre échelle, distinguer entre les vagues qui déferlent. Mais finalement, elles nous paraissent bien indifférentes entre elles. Mais l'indifférence, en français en tout cas, c'est une notion qui n'est pas cette indifférenciation théorique ou logique ou métaphysique. L'indifférence est une attitude subjective, une attitude pratique et même une attitude morale. L'indifférence, c'est l'incapacité subjective à faire de la différence entre les événements qui nous affectent et même entre les êtres. Par exemple, l'indifférence peut devenir une pathologie majeure, un être indifférent, un être mélancolique. C'est aussi quelqu'un qui n'arrive plus à discerner ce qui le menace et ce qui le réjouit, un être pour qui tout se vaut, un être apathique, un être sur le visage duquel ne se lit plus aucune différence, aucune émotion, et qui n'arrive plus à distinguer justement ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce qui est dangereux ou ce qui est positif, ce qui est utile ou ce qui est nuisible. Or, la vie, comme le dit Georges Canguilhem, la vie est fondée sur cette distinction polarisée entre ce qui nous aide et ce qui nous menace. La vie est un refus de l'indifférence. La vie est fondamentalement polarisée. Elle fait des différences pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper de différence. C'est pourquoi aussi l'indifférence est peut-être d'abord morale. C'est une sensibilité non seulement à ce qui nous affecte, à ce qui peut nous menacer, mais c'est aussi une sensibilité à ce qui affecte les principes de justice, à ce qui peut affecter la vie des uns et la vie des autres. C'est pourquoi être indifférent à quelqu'un, c'est méconnaître son existence même, c'est méconnaître ce qui lui importe et qui possiblement nous importe aussi. Être indifférent, c'est donc ne pas reconnaître l'émergence de la différence d'autrui dans le monde. Au fond, c'est le nier dans son existence. C'est pourquoi quand nous disons qu'un tel a été indifférent à quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement un trait secondaire, comme s'il avait négligé un événement psychologique mineur, sa souffrance ou sa joie. Être indifférent, c'est vraiment méconnaître l'émergence de la subjectivité de l'autre et dans ce cas, son existence même. Nous ne pouvons pas devenir différents si les autres sont indifférents à nous. L'origine de notre différence, c'est sa reconnaissance par l'attention des autres. C'est ce qui nous a fait émerger comme singularité dans l'enfance, dans ce que les psychologues appellent l'attachement. C'est cette non-indifférence d'autrui à notre égard, pour le meilleur bien entendu, pas pour nous nuire, mais pour nous soutenir, pour nous créer dans l'existence. C'est cette non-indifférence qui nous a créés. Ce n'est donc pas sermonner de façon morale et abstraite, avec des bons sentiments, que de dire qu'il ne faut pas être indifférent. D'abord, nous ne pouvons pas être indifférent. La vie nous oblige à choisir. Nous ne sommes pas l'âne de Buridan pour qui tout se vaut et qui meurt de faim. matin entre l'avoine et l'orge, ou entre boire et manger, nous ne pouvons pas être indifférents, mais surtout, nous ne pouvons pas l'être à l'égard des autres, car les autres pourraient l'être à l'égard de nous, et ce serait la destruction même, non seulement de notre différence, mais de notre être même. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France et sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Olivier Arnay. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!